Crossover, dernière émission, première. Ah, je te sens défaitiste, Laurent, là. Non, pas du tout, pas du tout. On essaye de tenir la route, on essaye de tenir la barre, mais malgré tout ce qu'on peut prendre dans les pattes pendant notre course, on essaye de s'en sortir. Salut à tous et bienvenue sur le www.sinceller.com pour l'émission du mois d'août, émission numéro 7, dans laquelle on aurait dû vous faire découvrir plein de groupes en autoproduction, des groupes comme vous qui font de la musique, qui s'enregistrent et qui nous envoient par l'intermédiaire d'Internet leurs morceaux pour que justement on vous les fasse écouter. Et oui, justement, faut qu'on vous les fasse écouter. Et aujourd'hui, je dirais pas exceptionnellement parce que ça risque de durer un petit moment. Ça risque de durer. On vous les fera pas découvrir. Tout de suite, je vous laisse avec un petit jingle. On se retrouve tout de suite après. Fabien. Et on vous explique tout ça après. Youhou! Salut, moi c'est Homer. J'écoute l'émission sur sinceller.com. Voilà. Voilà, il y a eu un blanc là. Hein. Non, il y a eu une coupure nette là, je sais pas. Ouais, bon, enfin, c'est pas grave. On s'en fout, de toute façon, il n'y a pas de musique. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, Fabien? Eh ben, il se passe quelque chose. Ouais, effectivement, il se passe quelque chose. Sinceller doit devenir un site tellement important qu'apparemment, nous avons des retombées médiatiques qui nous empêchent de vous diffuser. C'est des retombées médiatiques assez inattendues pour la simple et bonne raison que désormais, pour pouvoir vous passer des groupes en autoproduction qui, dans la plupart des cas en plus, n'ont pas déclaré leurs morceaux, on nous demande quand même de payer au pot commun, on va dire. Voilà, faut se joindre au pot commun, faire comme tout le monde, payer sa part, mais le problème, moi, c'est que je veux bien payer, mais si je suis sûr que c'est vous qui en profitez. Si c'est pour arrondir les points de moi à Johnny, je crois pas que ce soit la peine. Ah que non. Ah que non, effectivement. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez le comprendre, pas d'émission, je pense. Et par contre, on va vous faire quand même un petit récapitulatif rapide. Rapide de toutes les émissions qu'on a diffusées auparavant et que vous allez pouvoir retrouver dans le petit menu à droite de votre écran sur le site sinceller.com. Les émissions 1 à 6, où on vous a fait écouter plein de bonnes choses quand même. Effectivement, il y avait plein de choses, comme par exemple dans l'émission numéro 1, vous aviez 6 artistes en découverte, Biocide, Dulls, Phil Songbook, Silmarillion et In The Bocal, Vincent & Co et Sinceller. Évidemment. Hey, faut bien faire sa propre pub. Hein. Dans l'émission numéro 2, vous aviez... On avait Magali Fortin, on avait Alchimie, on avait l'interview de Vincent & Co. N'oubliez pas les interviews que vous pouvez écouter à part aussi, qui sont vachement intéressantes. Et vous aviez Ed, et vous aviez un autre morceau de Dulls. Effectivement, Dulls que vous avez pu retrouver donc déjà dans l'émission numéro 1. Émission numéro 3, vous aviez Echoes d'Arise, Fred Alpi, qui était un peu une avant-première pour nous, puisque vous retrouvez son interview dans l'émission numéro 4. T'as oublié tes boutons là, hein. Ah bah voilà, il y a eu un blanc. Ah c'est pas grave, non, laisse-le, il est marrant celui-là aussi. Tu préfères celui-là? Non, ouais. Bon, c'est pas grave, ça retournera après. Il y avait One Plus One aussi dans l'émission, et dans cette émission numéro 3, on avait l'interview de Mélatonine. Mélatonine ont passé deux morceaux, ont passé Jinko et Neri Akan. Des très bons morceaux, moi j'aime bien Mélatonine. Vous avez pu aussi retrouver Time Bomb et Scanvox. Scanvox dont nous avions rencontré la chanteuse dans un pub, je me souviens, il y a presque un an maintenant. Il nous avait raconté l'anecdote. Ça. Ouais, exactement, on était avec Christophe d'ailleurs pour cette émission. Oui. Dans l'émission numéro 4, on fait toujours le point un peu sur tout ce qu'on vous avait diffusé. On vous avait passé un morceau de Hetz, Boris Tana, Jean-Marie Joanet, qui était aussi très intéressant, et Seth Nova. Tu l'aimes bien là, hein, ton bed là, hein, finalement. Ouais, je l'écoute, j'étais hyper concentré dessus, je pensais à un truc. Émission numéro 5, vous aviez Draft, Amada Blom, La Rue. L'interview d'Emeric Charneau. Un très bon interview d'ailleurs, par la même occasion, je dois admettre. Vous aviez Twice. Et moi je. Enfin, dans l'émission numéro 6, vous avez pu retrouver. Angel Fall, ainsi que. Idols. Vous aviez Aral 3 et In The Bocal. Et l'interview de Philippe Axel. Pour son album qui s'intitule The Axel Project. Alors tout ça, c'est tout ce qu'on a pu vous diffuser pendant les 6 émissions qu'on a réussi à faire sur la première partie de l'année 2001 pour vous faire découvrir des groupes en autoproduction, des groupes qui essayent de se faire connaître, qui essayent finalement, comme tout le monde, vivre un peu de leur passion. Alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est maintenant de se battre pour faire vivre toujours l'émission www.sinceller.com. Là, je fais un... dons voilà, je fais un petit des appel. Dons oh, on veut des dons. On a besoin de sous. Voilà. Combien il faut? 12 000 francs par mois, je crois, hein? C'est ça? Non, peut-être pas, non. Non, pas autant. Oh merde. Donc c'est vrai que maintenant, on était sur un mode de fonctionnement complètement bénévole. C'était Laurent, c'était Caro, que vous connaissez par l'intermédiaire du site. Tous les rédacteurs que vous pouvez retrouver aussi sur le site, qui vous donnent toutes les infos, qui s'occupent des rubriques. En tout, une dizaine de personnes travaillent sur le site. C'était donc cette dizaine de personnes-là qui faisaient vivre le www.sinsever.com et logiquement donc la web radio. Si au jour d'aujourd'hui, on nous demande de financer d'autres musiques pour pouvoir continuer à faire découvrir la vôtre et la nôtre, ça va plus être trop possible dans les mois qui viennent, donc il va falloir qu'on trouve d'autres solutions. Donc toujours en recherche de solutions, ne vous inquiétez pas, moi je tiens à vous rassurer que je reçois toujours vos CD, je prépare toujours les émissions, j'en ai 2-3 d'avance je crois qui sont prêtes à être diffusées dans les tiroirs. Pas diffusées mais au moins à être enregistrées, les plannings seront faits et tout, et on n'attend plus que l'occasion de pouvoir les enregistrer pour être sûr de les diffuser, quoi. C'est surtout ça notre principal souci. Alors si vous avez des idées pour que nous puissions continuer à réaliser cette web radio sur le sinsaver.com, n'hésitez pas à nous contacter via le forum ou par ICQ ou par mail pour nous donner vos idées, pour tous vos tuyaux pour pouvoir justement financer aujourd'hui, puisque ce qu'on nous demande, financer ce moyen de découverte des groupes en autoproduction. Sachez et n'oubliez pas quand même qu'on fait ça pour vous, donc si vous pouviez faire un petit geste, une petite idée pour nous, surtout une petite idée pour contourner cette putain de loi, et n'hésitez pas. Nous, tout ce qu'on vous souhaite, c'est de pouvoir vous retrouver prochainement dans une émission numéro 8 qui, normalement, devrait être prévue au mois de septembre 2001. Si elle est plus tard, on espère qu'elle existe. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est des bonnes vacances et un bon mois d'août. À ciao. Sur sinsaver.com, vous pouvez retrouver du rock, de la disco, du groove, de la dance, de la house, du rap. Mais sinsaver.com, c'est votre musique.